La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la fusée européenne Ariane. Un succès technologique et commercial que plus personne n'attendait et qui va pourtant permettre à l'Europe de s'imposer comme une puissance spatiale. Au début des années 60, alors qu'Américains et Soviétiques commencent à maîtriser les technologies spatiales si complexes, quelques pays du vieux continent décident de se lancer eux aussi à la conquête des étoiles. Mais la route pour y parvenir est longue, douloureuse et coûteuse. Échec après échec, les meilleurs ingénieurs du CNES vont travailler d'arrache-pied pour tenter de faire décoller une fusée européenne. Cet acharnement à vouloir obtenir l'indépendance spatiale a contribué à écrire l'histoire de l'une des plus belles réussites de la coopération européenne. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Astorg, directeur de la division propulsion au CNES, connaisseur escalité de l'histoire spatiale. Avec lui, nous parlerons de cette histoire d'Ariane, mais aussi de l'avenir du domaine spatial. Affaires sensibles, émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano. Samedi 25 décembre 2021, base spatiale de Kourou, Guyane française. Ce jour-là, la salle de contrôle de la base est en pleine ébullition. Baptisée salle Jupiter, c'est là que les ingénieurs et les équipes du CNES, de l'ESA et d'Ariane Espace sont installés pour la préparation des vols de la fusée européenne Ariane 5. Malgré la centaine de vols réussis à l'actif de l'opérateur de la fusée européenne, l'attention tout de même est palpable. Derrière les postes de travail des ingénieurs d'Ariane Espace, les gradins sont pleins. C'est ici que les commanditaires des vols assistent au déroulé des opérations, qu'ils gardent un œil sur la précieuse cargaison installée sous la coiffe de la fusée. La mission prévue aujourd'hui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un satellite de télécommunication ou d'observation classique qu'Ariane 5 s'apprête à envoyer dans l'espace, mais bien l'objet le plus cher et probablement l'un des plus complexes jamais conçus par l'homme, le télescope spatial James Webb. Conçu et fabriqué sous la direction de la NASA, le remplaçant du télescope Hubble a coûté 10 milliards de dollars et doit permettre aux scientifiques du monde entier de faire de nouvelles découvertes astronomiques majeures. Cela fait plus de 20 ans que les meilleurs ingénieurs et techniciens travaillent à son développement et à sa construction. Et ce n'est pas SpaceX ou une fusée américaine qui a été choisie pour placer le télescope spatial en orbite autour du Soleil, environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Non, c'est bien la fusée européenne Ariane. 3, 2, unité, top. And lift off. Décollage, lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Séparation Webb Space Telescope. Go Webb! Oui, la fusée Ariane 5 a peut-être été choisie par la NASA en raison d'un accord passé avec l'Agence spatiale européenne, mais ce n'était pas gagné d'avance. C'est aussi le fruit de plusieurs dizaines d'années d'un travail acharné des ingénieurs européens pour démontrer la capacité du lanceur à mettre en orbite le télescope le plus cher et le plus complexe de l'histoire. À propos d'histoire, celle de la conquête de l'espace débute réellement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'Allemagne est acculée et voit les troupes alliées marcher sur Berlin, Hitler donne l'ordre de lancer ses tout nouveaux missiles balistiques à longue portée sur l'Europe, les fameux missiles V2. Des armes nouvelles qui s'abattent sur l'Europe durant les derniers mois de la guerre. Ce sont aussi les tout premiers engins construits par l'homme, capables d'atteindre les 100 km d'altitude et donc la ligne de Kármán, la limite symbolique avec l'espace. Ces missiles, qui atteignent les 200 km d'altitude, ont été conçus par une équipe dirigée par l'ingénieur allemand Werner von Braun. Lorsque la guerre prend fin en 1945, les deux grandes puissances mondiales sorties vainqueurs veulent à tout prix s'attacher les services de celui qui a conçu la première fusée de l'histoire. Lors d'une gigantesque opération d'exfiltration, les services américains parviennent à rapatrier von Braun et une partie de son équipe aux États-Unis. Après avoir travaillé un temps sur le développement de missiles balistiques, l'ingénieur allemand est placé à la tête du programme spatial américain. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à convoiter les cerveaux nazis. L'Union soviétique réussit elle aussi à faire venir une centaine de scientifiques, tout comme la France, qui au passage récupère quelques pièces détachées de V2. Parmi la centaine d'ingénieurs exfiltrés par les Français, il y a l'un des bras droits de Werner von Braun, Karl-Heinz Bringer, un spécialiste des systèmes de propulsion. Installé dans un village caché de la forêt de Vernon dans l'Eure, la colonie germanique rejoint le LRBA, le laboratoire de recherche de balistique et d'aérodynamique, avec pour mission de concevoir les moteurs des futurs missiles et fusées françaises. Le spectacle de ces riantes avenues, de ces villas toutes neuves, de cette animation familière, identique à celle de toutes les cités, n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette ville n'existe pas, sur la carte du moins. On est quelque part en France, mais on comprendra beaucoup de choses lorsqu'on saura qu'on n'y entre pas sans montrer patte blanche. Ici sont étudiés, pour le compte de la Direction des études et fabrications d'armement, tous les problèmes des engins autoguidés ou téléguidés. Ainsi, ce banc d'essai à la mesure des puissances fantastiques produites par les futurs propulseurs. Lorsque les expérimentateurs seront à l'abri d'un blockhaus, 200 000 chevaux, la puissance des machines du cuirassé Jambard, s'échapperont de cette petite tuyère. 1000 km/h, les premiers remous. La fusée est aussi le principe même de la locomotion de demain. Et elle signifie pour l'homme la conquête de l'espace. Dans les années qui suivent la fin de la guerre, plusieurs pays connaissent d'importantes avancées dans la conception de missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires. Mais parallèlement à ces programmes militaires, différentes agences sont chargées de mettre au point des fusées à visée scientifique. Ainsi, en 1957, la conquête spatiale entre dans une autre dimension. Le 4 octobre, bip bip, les Soviétiques réussissent un exploit, un véritable exploit, mettre en orbite le tout premier satellite artificiel de l'histoire, Sputnik 1. Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Sputnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune. Ce Sputnik, chacun voulait l'apercevoir. Et les préoccupations de la vie quotidienne passaient au second plan devant cette petite boule de métal qui se promenait dans l'espace. Mais c'est probablement en Amérique que Bébé Lune a fait le plus gros bip. Pas un de ces passages qui n'a mis tous les centres d'écoute des États-Unis en alerte. Oui, c'est même la panique à la Maison-Blanche. Ce petit satellite soviétique de 84 kilos n'émet peut-être qu'un petit bip, mais en l'envoyant en orbite, les scientifiques soviétiques ouvrent une nouvelle ère, celle de l'utilisation de l'espace. Parce que, avec Sputnik, il ne s'agit pas seulement d'envoyer sans but un objet erré en orbite. Grâce à lui, on comprend que les satellites pourront bientôt permettre d'espionner en photographiant par-delà les frontières ou communiquer instantanément d'un bout à l'autre de la planète. Et ça, c'est un changement de paradigme. Le 1er février 1958, les Américains réussissent eux aussi à envoyer leur premier satellite. Il est basé Explorer 1. La course à l'espace est alors officiellement lancée. Mais pour l'heure, seules les deux grandes puissances semblent être engagées. Pourtant, en Europe aussi, on se met au travail. En France, les ingénieurs allemands et français du LRBA ne chôment pas. Ils testent plusieurs types d'engins balistiques. Mais en plus du développement de ces missiles, ils mettent au point la petite fusée sonde Véronique. Modeste lanceur de 10 mètres, Véro pour les intimes, permet toutefois à la France d'apprendre et de développer ses premières capacités astronautiques dès l'année 1954. Mais c'est au début des années 60 que la France connaît un vrai tournant dans le développement de ses capacités spatiales. Le 19 décembre 61, le général de Gaulle annonce la création du Centre National d'Études Spatiales, sorte de NASA à la française. Plus connu sous l'acronyme CNES, il a à sa charge l'ensemble des programmes et développements qui doivent permettre au pays de devenir une puissance spatiale. Parallèlement au déroulement des essais de la fusée sonde Véronique, les autorités lancent un programme baptisé Pierre Précieuse. Ce programme prévoit l'essai de 6 engins balistiques pour obtenir à terme une fusée capable de mettre en orbite des satellites français sans l'aide d'une puissance étrangère. Entre 1961 et 1965, les fusées Agate, Topaz, Émeraude, Saphir et Ruby permettent aux ingénieurs d'engranger de l'expérience. Le 26 novembre 65, la France franchit une étape majeure. Depuis la base d'Amagouir en Algérie, la fusée Diamant prend son envol avec à son bord le tout premier satellite français. France Inter. Ce bip-bip a décidément quelque chose de bien sympathique. C'est un bip-bip qui parle français. C'est celui du satellite A1 lancé cet après-midi par la fusée Diamant de la base aérienne de Amagir. Tout s'est passé parfaitement. Depuis 15h47, la France est la troisième puissance spatiale du monde. Jean-Claude Turgeman. Ce 26 novembre 1965 restera donc une date historique pour la science française. La fusée Diamant, entièrement construite par des techniciens français, a quitté le sol d'Amagir, vous l'avez dit, à 15h47. Et quelques minutes plus tard, les trois étages de la fusée se séparaient et le premier satellite français, il s'appelle A1, était lancé sur son orbite et criait au monde son bip-bip, le bip-bip que vous venez d'entendre. La réussite de ce tir est totale. Grâce à ce succès, la France se place dans la course à l'espace et devient effectivement la troisième puissance spatiale après l'URSS et les États-Unis. Mais loin derrière. Parce que déjà, les Russes, et surtout les Américains, ont réalisé de grands exploits, objectif Lune. Les Soviétiques réussissent des sorties extravéhiculaires. C'est l'homme qui vole dans l'espace. L'image est somptueuse. Quant aux Américains, avec leur programme Gemini, ils testent autour de la Terre leurs deux engins qui permettront d'aller sur la Lune, le module de commande et le LEM. Missions impeccables, réalisées par les astronautes qu'on retrouvera un peu plus tard sur la Lune avec les missions Apollo, passeport pour le rêve. La France, elle, si elle veut rattraper son retard, va devoir faire avec l'aide de ses partenaires européens, parce que seule, elle ne pourra pas y arriver. C'est en tout cas le pari qui est fait. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song. and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Dès le début des années 60, et parallèlement au programme déjà lancé, la France décide de s'allier avec quelques-uns de ses partenaires européens pour développer un programme spatial ambitieux. Le Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux est créé en 1962. Sa mission est claire, concevoir la première fusée européenne capable d'envoyer des satellites lourds sur n'importe quelle orbite. Le programme est baptisé de façon très simple et efficace Europa. Les Britanniques, qui disposent alors d'un missile balistique quasiment opérationnel, appelé lui Blue Streak, proposent de s'occuper du premier étage de la fusée. La France, qui a emmagasiné quelques connaissances avec sa fusée sonde Véronique, a en charge la réalisation du second étage, baptisé Coralie. L'Allemagne de l'Ouest s'occupe du troisième étage, appelé Astris, alors que les Italiens ont à leur charge la conception d'un satellite expérimental. La Belgique et les Pays-Bas y vont eux aussi de leur contribution en participant au développement du premier étage et en construisant des stations météo et de suivi radio. Plus étonnant, l'Australie se joint à ce partenariat spatial européen. Ce sera depuis la base britannique située à Woomera, au sud de l'île, que la fusée européenne sera lancée. À partir du mois de juin 64, les premiers essais débutent à Woomera. Les premiers tirs statiques de l'étage britannique semblent se passer pour le mieux. Grande première dans le désert australien de Woomera. Les techniciens anglais ont procédé au lancement de la fusée Blue Streak. Cet engin de 90 tonnes doit former le premier étage du futur lanceur européen de satellites, le second devant être constitué par la fusée française Ruby. Après avoir satisfait aux essais statiques, Blue Streak subissait pour la première fois l'épreuve du compte à rebours. 147 secondes après son départ, l'engin avait atteint sa vitesse maximum de 10 365 km/h. Et malgré un arrêt prématuré des propulseurs, il a mérité d'être reconnu bon pour le service. Le temps est compté pour les Français qui doivent trouver une solution de repli pour l'installation d'un nouveau centre spatial. Mais la liste des critères à remplir est interminable. Il faut une zone suffisamment vaste pour la construction de toutes les infrastructures, peu peuplée pour éviter les accidents, idéalement côtière pour permettre la retombée et la récupération de débris après les décollages. Et surtout, il faut être proche de l'équateur. Car plus le lieu de décollage se trouve près de cette ligne, moins la poussée doit être importante pour parvenir à atteindre les orbites hautes. C'est le CNES qui est chargé de trouver l'endroit idéal. La métropole est exclue en raison d'une densité de population trop importante. On regarde alors vers l'outre-mer et l'étranger. Et c'est finalement vers la Guyane française que se tournent les responsables du CNES. Le lieu retenu se trouve à Kourou, une localité située à une soixantaine de kilomètres au nord de Cayenne. Avec ses 750 km², la zone est vaste. Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'est et la forêt amazonienne à l'ouest. Et surtout, elle se trouve à seulement 500 km de l'équateur. Le 14 avril 1964, le Premier ministre Georges Pompidou signe un arrêté ministériel pour établir le nouveau centre spatial français à Kourou, en Guyane. Les travaux débutent en 1966 et les ambitions pour ce nouveau champ de tir sont grandes. À Kourou, 50 km au nord de Cayenne, le long de la côte, une ville nouvelle sort de terre. Il n'y avait là, voici à peine un an, qu'une bourgade anémique de 350 habitants. Il y aura, avant 3 ans, une ville qui pourra atteindre 6000 habitants. Et non seulement une ville, mais une zone technique et industrielle, et puis bien sûr, raison d'être du centre, des sites de tir pour fusées sondes, pour lanceurs diamants, ou de plus gros engins encore, comme la fusée européenne Europa. Implantée dans une zone équatoriale, donc très favorable, permettant en toute sécurité des tirs vers l'est, le centre spatial intéresse déjà de nombreux pays. À partir de l'été 67, les vrais essais de la fusée Europa débutent en Australie. les étages français et ouest-allemands sont assemblés sur le premier étage britannique. Mais pour les responsables du programme, c'est la douche froide. Lors de son premier vrai lancement, la fusée européenne Europa 1 ne parvient pas à réaliser un vol concluant. Coralie, le deuxième étage de fabrication française, ne s'allume pas. Et lors du second vol en décembre 67, bis repetita, têtu comme une mule, Coralie reste inerte après le décollage. Au début de l'année 68, cette fois, c'est Astris, l'étage allemand, qui s'éteint prématurément. Entre-temps, fin décembre 68, Apollo 8, peut-être la plus belle mission lunaire américaine, émerveille le monde. Bormann, Lovell et Anders survolent la Lune à quelques encablures. Spectacle ahurissant de beauté en cette veille de Noël. Bormann qui récite la Genèse parce qu'il ne trouve rien de plus fort pour exprimer ce qu'il vit et ce qui nous fait vivre, somptueux, inoubliable. Vient ensuite, et fort logiquement, l'année 69, qui pour l'Europe de l'espace ne s'annonce pas mieux que 68. Le 2 juillet, nouvelle tentative, nouvel échec. Là encore, Astris ne fonctionne pas comme prévu. Les responsables européens du projet commencent à désespérer, surtout que, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique s'apprête à frapper un grand coup, encore une fois. Le 16 juillet 1969, 14 jours après ce nouvel échec d'Europa, l'immense fusée Saturne V, 110 mètres de haut, décolle de Cap Canaveral en Floride, avec à son bord Armstrong, Aldrin et Collins, les trois astronautes de la mission Apollo 11. 4 jours plus tard, Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire, avec plus de la moitié de l'humanité qui le regarde derrière un écran de télévision. C'est l'apothéose. Un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. L'exploit américain ne fait que renforcer l'amertume des Européens qui accusent un retard conséquent. Il faut près d'un an à Europa pour retrouver le pas de tir. Le 12 juin 1970, le 10e tir d'essai de la fusée Europa 1 se solde encore par un échec. Cette fois, c'est la coiffe qui ne parvient pas à se séparer du reste de la fusée. L'ambitieux partenariat européen bat de l'aile. Les Britanniques sont démoralisés par les échecs à répétition et refroidis par les coûts toujours plus importants liés à ce développement, pour l'instant, il faut bien le dire, chaotique. Pour ne rien arranger, les prises de bec régulières avec les Français qui insistent pour délocaliser le centre d'essai sur la toute nouvelle base spéciale de Kourou convainquent finalement les Anglais de se retirer du programme. Et les Italiens suivent le mouvement. Mais ce n'est pas tout. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, l'objectif d'autonomie spatiale semble de plus en plus irréalisable. En vérité, Europa 1 n'est pas en capacité d'atteindre les orbites hautes à plus de 30 000 km, les orbites stratégiques visées par les partenaires européens. Sous l'impulsion des Français et des Allemands, le SECLES tente alors de donner un second souffle au programme avec la fusée Europa 2. Elle sera plus puissante et cette fois lancée depuis Kourou. Un premier tir est prévu en fin d'année 71. Le 4 novembre de cette année-là, l'Europe du spatial retient son souffle. Interactualité, Jean-Claude Turgeman. Commençons par l'espace. Tout avait bien commencé hier pour Europa 2. Tout avait bien fonctionné jusqu'à la dernière seconde du compte à rebours. Mais la suite a été nettement moins bien. À 14h, le premier étage britannique développe ses 135 tonnes de poussée. La fusée s'élève dans le ciel. 2 minutes plus tard, la séparation entre ce premier étage et le deuxième étage français baptisé Coralie n'a pas lieu, c'est l'échec, la fusée retombe dans l'Atlantique à 500 km des côtes de Guyane. Pour le programme européen, c'est un coup dur, Europa a enregistré en tout 6 échecs pour 11 tirs. Et là, c'est la fois de trop, le partenariat s'effondre. Alors qu'il était prévu de réaliser 2 lancements tests de la nouvelle fusée, les pays partenaires décident de mettre fin à l'aventure Europa. À la suite de l'échec de son programme spatial, l'Europe se divise. Les Américains viennent également mettre leur grain de sel. Ravis de voir leur monopole d'accès à l'espace se consolider, ils tentent de dissuader les Européens de se lancer dans un nouveau projet. Et ils proposent de se charger eux-mêmes de l'envoi des satellites développés sur le vieux continent. Si certains pays comme le Royaume-Uni acceptent, les conditions sont trop restrictives pour permettre à l'Europe d'acquérir une réelle autonomie spatiale. Face à cette situation et convaincus de la nécessité d'obtenir l'indépendance spatiale, les Français tentent de relancer un projet commun. après plusieurs mois de négociations, Paris réussit à convaincre quelques partenaires, dont son principal, l'Allemagne. Mais il faut tirer les leçons des échecs passés. Alors, on enterre l'idée d'un projet développé aux quatre coins de l'Europe. Ce sont les ingénieurs français du CNES qui prendront la décision des opérations, la direction même, coordonnant les efforts et centralisant le développement. Kourou devient officiellement la nouvelle base spatiale européenne. En contrepartie, la France s'engage à assumer 60% des coûts ainsi que les éventuels dépassements budgétaires. Un budget alors estimé à plus de 2 milliards de francs. Ce nouveau programme est adopté par les pays partenaires le 31 juillet 1973. Il est baptisé L3S pour lanceur de troisième génération de substitution. Europe spatiale, nous vous exposions hier par la voix on ne peut plus autoriser de Michel Chevalet tout ce que l'on pouvait attendre de la réunion des spécialistes à Bruxelles. Or, le résultat a été encore meilleur. L'Europe de l'espace n'est plus une utopie, bien au contraire. Et d'ici 5 ou 6 ans, par exemple, il y aura en action, dans le ciel, un satellite européen des télécommunications. Jean-Pierre Chapelle. Après l'échec de la fusée Europa, on pouvait penser que l'Europe spatiale était totalement abandonnée. Eh bien, hier soir, un grand espoir est revenu. Les Européens ont compris qu'il fallait conserver leur indépendance dans ce domaine bien particulier, et ils ont pris un grand nombre de décisions. D'abord, la construction de cette fusée, dont vous voyez ici la maquette, la L3S. Peu évocateur, le nom du programme L3S est abandonné. Le CNES propose de le baptiser Ariane, comme le fil d'Ariane qui guida Thésée dans le labyrinthe du Minotaure, tout un symbole. Pour Ariane, on oublie donc l'empilage d'éléments construits à droite et à gauche. On met aussi de côté le premier étage Blue Streak, construit par les Britanniques. C'est sur la base d'une fusée Diamant, équipée de moteurs Viking conçus par l'ingénieur Karl-Heinz Bringer du RBA, que le projet est pensé. Les ingénieurs en charge du programme ont une date en ligne de mire, 1979. Ils ont donc 6 ans pour concevoir une fusée européenne capable de transporter des satellites lourds en orbite géostationnaire à 36 000 km du sol. Entre-temps, les Américains ont mis fin au projet Apollo. On ne verra plus décoller l'incroyable fusée Saturne V, ce lanceur qui permettait de propulser les êtres humains jusqu'à la Lune. Il y avait du Christophe Colomb là-dedans, de l'aventure, du risque. Dream is over, le rêve est fini, l'espace va devenir un espace commercial. Et c'est dans cette brèche que s'engouffre le projet européen Ariane, qui réussit, bon an mal an, à tenir les délais. Résultat, à la fin de l'année 79, Ariane 1 est installée sur le pas de tir du centre spatial guyanais de Kourou. La date de lancement est prévue le 15 décembre. Le jour J, la tension est palpable derrière les ordinateurs et dans les gradins de la salle Jupiter. Lorsque le décompte final commence, l'ensemble du personnel et des spectateurs retient son souffle. 5, 4, 3, 2, 1, feu. Les moteurs s'embrasent, mais la fusée ne parvient pas à s'arracher du sol. La mission est interrompue. Un problème de crochet retenant la fusée à la structure à terre l'empêche de décoller. Ariane n'a pas atteint l'espace, mais rien n'est endommagé. Alors, les responsables décident de reprogrammer le vol 7 jours plus tard, le 23 décembre. Mais les conditions météo ne sont pas idéales, et un léger problème, repéré le jour même, oblige les ingénieurs de vol à retarder le décollage. Encore une fois, mais d'un jour seulement. Le 24 décembre, l'un des ingénieurs en chef du programme, qui a connu les échecs d'Europa, prend le temps d'allumer un cierge dans la petite chapelle de Kourou avant de se rendre en salle de contrôle. L'Europe entière a les yeux rivés sur la Guyane. Le décollage, prévu aujourd'hui, va sceller l'avenir du spatial européen. C'est tout l'enjeu. À 18h, 14 minutes et 28 secondes, le compte à rebours est lancé. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Les bras cryogéniques se sont correctement écartés. Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussé par les 250 tonnes des 4 moteurs de son premier étage. Ce premier étage va brûler pendant 145 secondes, c'est-à-dire pendant près de 2 minutes et demie. Pendant ces 2 minutes 30 d'ascension, Ariane va consommer une tonne de carburant à la seconde. 2 minutes 30 après le décollage de Kourou, Ariane se trouve déjà à 50 km d'altitude. Quelques secondes plus tard, c'est l'allumage du second étage que suivent avec précision les caméras de poursuite du centre spatial guyanais. Positif du troisième étage. We got a positive signal as to the separation, second, third stage. Yes, we have ignition of the third stage. 5 minutes après le décollage, le second étage se sépare et c'est l'allumage du troisième étage. Positif d'allumage du troisième étage. 90% au moins des objectifs techniques de ce premier lancement sont désormais derrière nous. C'est magnifique. Oui, le vol est une réussite totale. Les moteurs vikings parviennent à faire décoller la fusée de 212 tonnes, haute de 47 mètres. Pour les responsables du programme, la confiance est désormais de mise. Il reste 3 tirs d'essai à réaliser pour que la fusée Ariane 1 soit reconnue comme complètement opérationnelle. Pourtant, les dirigeants européens prennent un risque et décident de se lancer entièrement dans l'aventure. À la fin du mois de mars 80, 3 mois tout juste après l'envol de la fusée, la société commerciale Ariane Espace est créée. Son objectif est de vendre l'accès à l'orbite aux entreprises privées comme aux États qui souhaitent envoyer des satellites. Grâce à cette entreprise, le spatial européen doit pouvoir pérenniser son activité sans dépendre uniquement des financements publics. C'est la première entreprise privée du domaine spatial. Pour vendre leurs services, les responsables Ariane Espace s'appuient sur la situation géographique de Kourou qui offre des conditions de lancement idéales. Depuis la Guyane, n'importe quelle orbite est atteignable. Ils mettent également en avant un ingénieux système qui permet d'envoyer 2 satellites avec une seule fusée et donc de réduire les coûts. Grâce à des tarifs compétitifs donc, Ariane Espace se pose comme un concurrent sérieux de la NASA. Business is business. Le premier vol commercial d'Ariane Espace a lieu le 23 mai 1984 et permet de mettre en orbite un satellite privé américain. Ariane 1, tout juste opérationnel, les partenaires européens s'accordent ensuite sur le développement de ses successeurs. Ariane 2, 3 et bientôt 4, qui vont permettre à l'opérateur de fusée de diversifier son offre, capable de lancer des satellites de toute taille sur toutes les orbites. Et c'était une nécessité impérieuse, car depuis 1981, la fusée européenne doit faire face à un nouveau concurrent. La navette spatiale américaine. 5, 4, we've gone for main engine start. We have main engine start. Monsieur, bonsoir. Cette fois-ci, elle est partie. Et à l'heure prévue, à 14h, heure française, cet après-midi, la première navette spatiale américaine pilotée par Crippen et Young a décollé sans problème. Avec cet exploit, Georges Leclerc, l'humanité a renoué avec la grande aventure spatiale, le jour même où l'on fête le 20e anniversaire du premier vol du russe Yuri Gagarin. Cette navette, c'est une extraordinaire réussite, du point de vue technique et aussi du point de vue humain. C'est l'accès au cosmos pour tout le monde, ou presque, puisqu'il ne faudra plus d'entraînement très poussé pour travailler en orbite terrestre. Voici un des passages les plus redoutés de cette phase, 2 minutes après le décollage. Les 2 fusées latérales, à poudre, les premières jamais employées pour un vol humain, vont se détacher, leur carburant épuisé. Roger on the set, Columbia. Mark, 2 minutes 20 seconds, confirm solid rocket booster set. La Space Shuttle est lancée en 1981. Elle est révolutionnaire et propose un changement de paradigme pour l'accès à l'orbite. Réutilisable, capable de se poser comme un avion sur une piste d'atterrissage, elle doit permettre de réduire drastiquement les coûts d'envoi de satellites. Oui, mais en théorie, car si la promesse est belle, elle n'est pas tenue. Dès les premiers vols, les responsables de la NASA se rendent compte que cette navette spatiale est encore loin d'être un avion pour lequel il suffit de refaire le plein avant de repartir. Les coûts de remise en état après un vol sont démesurés, équivalent certaines fois à celui de la construction d'une nouvelle navette. Ariane reste donc dans la course et va bientôt profiter d'un tragique événement pour prendre une longueur d'avance. Le 28 janvier 1986, la navette américaine Challenger est sur le pas de tir du Kennedy Space Center en Floride. Le vol attire les médias en nombre parce qu'il y a la présence d'une enseignante invitée à voyager dans le cadre d'un programme de la NASA baptisé Teachers in Space. Mais 78 secondes après le décollage, c'est le drame. Il était 11h38 hier à Cap Kennedy, 17h38 heure de Paris, lorsque Challenger s'est arraché à la Terre sous l'énorme poussée de ses réacteurs. 1 minute et 12 secondes plus tard, c'était le drame. La navette était déjà à 20 000 mètres, à 3200 km/h. C'était la 25e mission d'une navette américaine, la 10e pour Challenger. Puissance maximum, annonçait Houston. Bien reçu pour puissance maximum, répondait la navette. Et puis, une explosion, une énorme boule de feu dans le ciel. L'aventure s'arrêtait là pour les 7 astronautes de Challenger. La stupeur pour les milliers de spectateurs qui assistaient au lancement de la navette, parmi lesquels les familles des astronautes et de nombreux enfants des écoles venus voir partir la première institutrice de l'espace. Et puis, les haut-parleurs qui annoncent l'atroce vérité, il y a un problème majeur, et puis le véhicule a explosé. Apparemment, une explosion dans un des moteurs auxiliaires a provoqué celle du moteur principal, dont le réservoir renfermait 1,5 million de litres d'hydrogène et 1,5 million de litres d'oxygène. La mort a été instantanée pour les occupants de la navette. Ce tragique accident cause la mort de 7 astronautes et traumatise l'Amérique. La navette est clouée au sol durant l'enquête. 32 mois sans voler. Forcément, les contrats s'annulent. En 1986, moins de 7 ans après le premier lancement d'Ariane 1, le lanceur européen se retrouve alors dans une situation de quasi-monopole. La navette américaine revolera jusqu'à un nouvel accident en 2003. Après plusieurs années de tergiversation, la NASA fermera définitivement le programme en 2011. L'Amérique n'a alors plus aucune fusée capable de voler. Ainsi, durant plus de 25 ans, les Européens consolident leur position. Après Ariane 4, Ariane 5 est mise en service. Toujours plus fiable, toujours plus performante, la fusée européenne permet à de nombreux pays d'obtenir un accès à l'espace, aux entreprises privées de développer la mise en service de satellites de télécommunication ou d'observation, et à la science de réaliser quelques-uns des plus grands succès de l'histoire de la conquête de l'espace. Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la fusée Ariane, son histoire, dont nous allons parler avec notre invité, Jean-Marc Astorle. Bonjour. Bonjour. Directeur de la stratégie au CNES. On voit à travers ce récit que, au fil du récit, Ariane connaît une histoire qui ressemble un peu à celle du lièvre et de la tortue, je trouve. Années 60, 70, ça balbutie, on voit les soviétiques d'un côté et surtout les américains de l'autre réussir des fabuleux exploits. Nous, on rame, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis à un moment, ça tourne. Et puis, on devient leader. C'est une belle histoire, hein ? Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. On est parti avec beaucoup de retard. En 65, premier lancement de Diamant. Donc, vous l'avez dit, la France a été la troisième puissance spatiale. Donc, après les Russes en 57, les États-Unis en 61. Et puis l'aventure Europa. Donc, un grand échec, un 11 lancements, 11 échecs. Ça a été extrêmement difficile. Et puis la Renaissance. Avec Ariane, proposé par la France, proposé par le CNES. Il faut savoir que la France a entraîné ses partenaires européens en finançant 65% du programme et en assurant aussi que s'il y avait des surcoûts, ces surcoûts seraient pris par la France. Et il faut souligner aussi que ce programme Ariane 1 a été conduit dans les temps, dans les budgets, avec une performance qui était supérieure à celle qui était spécifiée. Je pense qu'il faut vraiment rendre hommage, citer les pères d'Ariane, notamment Yves Sillard, Frédéric Dallest et Roger Vignel, qui ont été à l'œuvre sur la proposition du programme L3S et ensuite dans la conduite du projet. C'est les Monet et Schumann du projet spatial européen, un peu. C'est exactement. La fusée Ariane a plusieurs versions. Il y a eu la 5G+, alors je fais attention parce que j'y connais rien, la ECA, qui sont en fait des versions de la même fusée mais aux capacités différentes. Est-ce que c'est ça la force d'Ariane, la diversité des missions qu'elle peut accomplir aujourd'hui ? Je pense que la force d'Ariane, entre 79 et aujourd'hui, ça a toujours été d'évoluer en fonction des besoins du marché, avec une anticipation par rapport aux besoins des marchés. Alors, c'était plus simple au début parce que finalement, il n'y avait qu'une seule orbite, l'orbite de transfert géostationnaire, les satellites croissaient en masse, et il fallait une nouvelle version d'Ariane pour pouvoir emporter les satellites. Et c'est comme ça qu'on est passé d'Ariane 1 avec une tonne 7 de masse de satellites qu'on peut mettre en orbite, Ariane 5 avec 6 tonnes et ensuite 10 tonnes. Ça s'est un peu grippé quand même en 2010, puisqu'il faut savoir que le 11 décembre 2002, il y a eu un échec, l'échec de la première version d'A5ECA, cryogénique version A. Et là, on a arrêté d'innover. On a arrêté les développements d'Ariane pendant un certain temps et ça a redémarré avec Ariane 6. Vous savez qu'Ariane 6 est en cours de développement, on va bientôt arriver. Et donc pendant cette période-là, on a perdu du temps par rapport à la concurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Ariane 6, on va récupérer ce temps-là. Voilà. Donc l'histoire n'a pas été totalement linéaire. Une décision en 2002 d'arrêter les développements en cours, qui forcément a eu des conséquences sur l'histoire d'Ariane. Et puis de toute façon, toutes les conquêtes spatiales, y compris américaines, ont connu des mésaventures, voire des drames. Apollo 1, 3, c'est astronautes qui brûlent au sol. Apollo 13, on n'arrive pas à aller sur la Lune. Sauvetage in extremis. Donc, apparemment, enfin, en toute logique, dans la construction d'un programme spatial, c'est tellement compliqué que les échecs, moi, me semblent presque incontournables. Les échecs font partie de l'histoire d'une conquête spatiale. Bien sûr, un lanceur, c'est un système extrêmement complexe. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'Europa ne pouvait pas marcher, parce qu'il y avait trois étages qui étaient faits séparément. Et c'est un ambassadeur qui faisait la coordination entre les différents pays qui participaient au programme. Et bien entendu, c'est sur la base de cet échec-là qu'a été construite l'organisation d'Ariane avec la maîtrise d'œuvre confiée au CNES, comme vous l'avez dit, avec la direction complète des opérations et l'ensemble des décisions techniques, programmatiques qui sont prises par une seule entité. Il n'en reste pas moins qu'entre un échec et une réussite, pour un lanceur, il y a une très faible différence et il suffit d'une pièce qui lâche voilà dans une structure, il suffit d'un petit accident dans la combustion des ergols dans un moteur pour avoir un échec. Tout est automatique. Il faut savoir qu'on ne peut pas tester un lanceur depuis le sol. Quand on a un premier lancement, c'est la découverte complète et c'est pour ça que les premiers lancements sont toujours très très difficiles. Quels sont vos concurrents aujourd'hui et votre principal concurrent ? Alors, le principal concurrent d'Ariane Espace, c'est SpaceX, qui est une société qui a été créée en 2002. Mais il faut savoir que, d'abord, Ariane Espace résiste extrêmement bien et fait même plus que résister à la concurrence de SpaceX, puisque cette semaine, et c'est vraiment d'actualité, Amazon a annoncé avoir signé un contrat avec Ariane Espace pour 18 lancements Ariane 6. C'est le plus gros contrat qu'Ariane Espace ait jamais signé dans son histoire. Ça montre que Ariane 6 est un produit, alors qu'il n'a pas encore volé, qui est extrêmement bien adapté aux enjeux commerciaux des services de lancement d'aujourd'hui. Voilà, donc et SpaceX n'a pas eu de contrat d'Amazon. Voilà, donc c'est vrai que c'est à la fois notre principal concurrent, mais on fait très bien sur ce marché-là. Vous êtes, je le rappelle, directeur de la stratégie. Hein, c'est quoi votre stratégie? La stratégie globale, là, regardez, la stratégie dans le domaine des lanceurs, la stratégie en tout cas qui est poussée par le CNES, elle est double. Elle est de faire marcher Ariane 6, effectivement, de mettre en service Ariane 6 le plus rapidement possible, d'assurer ce qu'on appelle la montée en cadence d'Ariane 6, parce que faire un premier lancement, c'est facile, je dirais, mais ensuite il faut monter en cadence, et à partir de ce contrat signé avec Amazon, on aura beaucoup de lancements à faire à partir de 2024. Donc ça, c'est une chose, réussir Ariane 6 et en même temps préparer le futur. Et préparer le futur, on le fait depuis même le moment où on a décidé Ariane 6, puisque le CNES et Ariane Group ont travaillé ensemble sur un nouveau moteur réutilisable, 10 fois moins cher que le moteur actuel qui équipe Ariane 6 et qui pourra équiper les lanceurs du futur. Donc voilà, la stratégie, elle est double, et c'est celle qui a fait le succès d'Ariane depuis l'origine, faire marcher les lanceurs actuels et préparer le suivant, toujours. Bon, je ne dirais pas qu'Ariane est une drôle d'idée, mais c'est juste le titre de la chanson qu'on va écouter par Alexia Grédy. On se retrouve dans 3 minutes. Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux. Oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée. Comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café? Quel drôle de jour, quelle drôle d'idée de m'emmener chez toi danser quand ton cœur s'est accéléré. J'ai tout fait pour te résister, pour te résister. S'est croisé. Je suis bien trop sentimentale pour ce grand frisson plein été. Je suis bien trop sentimentale pour avoir déjà oublié. Storgue, donc directeur de la stratégie d'Ariane Espace. Vous avez remarqué que on a parlé gros sous, on a fait que ça tous les deux là, depuis qu'on a commencé l'interview. Vous avez remarqué aussi que j'ai saupoudré le récit de quelques morceaux de nostalgie autour de la NASA, la conquête de la Lune. C'était un projet à la fois politique, scientifique et pacifique. Celui-là, il est commercial, parce que c'est l'ère du temps aussi. On est dans un monde marchand, tout est marchand, hein, et l'espace y compris. Vous assumez cette position-là? Oui, mais il faut savoir que la motivation de l'Europe pour avoir un lanceur est la même aujourd'hui qu'à l'origine d'Ariane. C'est-à-dire que la motivation, elle est d'abord stratégique. on doit être capable d'envoyer nos satellites stratégiques de défense avec des moyens autonomes européens. Ça, c'est quand même la première préoccupation. Et ensuite, à partir du moment où on a un lanceur qui existe, comme ces satellites européens ne sont pas très nombreux, on a intérêt à le commercialiser. L'intérêt de le commercialiser, c'est d'augmenter les cadences de lancement, donc quelque part la fiabilité, et puis aussi de réduire les coûts pour les missions stratégiques. Donc je dirais que les lanceurs, c'est un objet éminemment stratégique et commercial. C'est vraiment les deux volets des lanceurs qui sont importants. Donc des fusées lancées depuis Kourou. Alors manifestement, Kourou a toutes les vertus. C'était un super choix. Pourquoi ? Alors Kourou, l'Équateur, on l'a raconté, mais vous l'avez dit, Kourou est idéalement situé sur l'Équateur. On peut avoir effectivement des lancements vers l'est, vers le nord. Il faut savoir que les Américains ont deux bases de lancement parce qu'ils n'étaient pas capables de lancer à la fois vers l'est et vers le nord depuis la base de Kennedy Space Center. Donc ils ont une autre base de lancement en Californie. Avec Kourou, on a une seule base qui peut permettre de faire l'ensemble des lancements. Kourou est une excellente base de lancement, mais je dois dire que aujourd'hui Kourou a vieilli. Les installations n'ont pas été rénové depuis longtemps et il y a un besoin aujourd'hui extrêmement important de rénover, de moderniser, de digitaliser et puis aussi de verdir la base du Kourou. C'est l'ambition d'aujourd'hui du CNES, effectivement, de moderniser cette base dans un contexte de concurrence. D'autres pays veulent avoir leur propre base de lancement en Europe, la Suède, la Norvège, le Portugal, l'Italie. Elles sont moins bien placées que Kourou, on est bien d'accord, mais il faut quand même défendre aussi les atouts de Kourou. Quel est le premier argument que vous avancez pour qu'un client soit tenté d'envoyer son satellite avec vous, avec votre moyen de locomotion qui s'appelle Ariane? C'est quoi alors il y a Kourou, c'est important, mais le principal argument? Je crois que les deux atouts d'Ariane depuis l'origine, c'est la fiabilité du lanceur, sa disponibilité aussi, c'est-à-dire la capacité à lancer en temps voulu, suivant les demandes du client, et puis l'aspect aussi économique. Donc voilà, c'est vraiment les deux critères importants. Et quand vous commencez à dessiner le futur du spatial européen et d'Ariane Espace? Le futur proche, c'est Ariane 6, avec, comme je l'ai dit, en lancement à la fin de cette année, une montée en cadence qui va être extrêmement importante, ce méga contrat que Ariane Espace a remporté. Et puis, c'est la préparation aussi d'autres lanceurs, qui passera certainement par des petits lanceurs. Il faut savoir qu'on est en train, à Kourou, de réhabiliter le pâtir de Diamant, qu'on a ouvert Diamant à des opérateurs de micro-lanceurs européens qui veulent venir sur Diamant. On a eu 13 propositions, on en a sélectionné 7 européennes. Et donc, on va certainement passer par une phase de lanceurs complémentaires à Ariane 6 et à Vega C, qui seront des petits lanceurs. Et sur cette base-là, on pourra construire avec des nouvelles compétences, des nouvelles technologies qui sont démontrées, le successeur d'Ariane 6. Il faudra penser au successeur d'Ariane 6 dès maintenant. Comme je l'ai dit avant, il faut à la fois développer un lanceur et puis préparer le coup d'après. Et pourquoi les petits lanceurs ? Petit lanceur parce que c'est plus facile. Ouais. Le marché est vraiment pour les gros lanceurs, ça c'est très clair. Ça permet d'expérimenter, ça permet aussi d'attirer des fonds privés parce que la marche d'escalier est plus facile à passer. Donc voilà, c'est une étape intermédiaire avant de faire des gros lanceurs. Alors, ne résiste pas à la tentation de vous demander quel regard vous posez sur le tourisme spatial. Alors, il faut savoir que c'est un métier complètement différent de celui qu'on fait. Oui, j'entends bien, mais voilà, l'espace vous concerne. Il n'y a pas un euro d'argent public qui va dans ces affaires-là. Après, on peut comprendre qu'effectivement que ça correspond à un business, qu'un certain nombre d'industriels privés investissent dans ce type de transport. Ça pose plutôt un problème, je dirais, sociétal. Donc, je ne sais pas si je suis bien placé pour m'exprimer sur le sujet. Alors, je vais vous questionner sur un autre sujet, le sujet des Russes. Qu'est-ce qu'on en fait avec la conquête spatiale? Il faut savoir, effectivement, donc les Russes opèrent... Je vous pose la question brutalement, mais vous savez pourquoi. Alors, les Russes opéraient Soyouz depuis Kourou. Il était prévu d'arrêter, puisque Ariane 6, qui existe en deux versions, 62-64, devait remplacer Soyouz, lancé depuis la Guyane. Le remplacement aura lieu un peu plus tôt que prévu. Les satellites, il y avait 5 lancements qui étaient prévus sur Soyouz, vont basculer sur Ariane 6. Voilà, ça nous oblige encore plus à réussir Ariane 6 et réussir la montée en cadence d'Ariane 6. Voilà, c'est un peu précipité par rapport à ce qui était prévu. Ça change nos plans, mais en tout cas, la stratégie globale est la même. Bien, merci infiniment Jean-Marc Astor. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie d'Ariane Espace. Nous voulions raconter... Du CNES. Nous voulions raconter cette histoire d'Ariane Espace parce que c'est l'histoire d'un succès européen. C'est ça qu'il faut retenir avant tout. L'Europe doit servir à quelque chose. Elle peut servir à quelque chose dans ce genre de projet, par exemple. Elle n'est jamais aussi forte que quand elle est unie. Ben oui, l'union fait la force. Merci, Jean-Marc Astor. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Ariane Espace, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamins.